L'affaire du coffret. 58e. الموعد كان قد حدد. بقي أن نتبع تعليمات اللصوص. Alors Nadia, vous avez des instructions? Tout est là. Écoutez. Rendez-vous dans la calanque d'Anvo, à Cassis. Tu vas arriver seul. Pas de taco, compris? Tu vas mettre le pognon dans le bateau. C'est quoi le pognon? L'argent. Regardez ce plan, hein? Le rendez-vous est dans cette petite calanque. C'est à 20 km d'ici. Ah, une calanque. يعني الفجوة، وهي واحدة من تلك التعرجات الساحلية التي يشكلها الشاطئ مع الصخور. نادية va y aller seule. Elle va prendre une voiture de location. Pardon. Va. Elle va y aller seule. Elle ira seule. ستذهب هناك بمفردها؟ seule؟ Mais le taxi. Non, Lucas. Pas de taco, pas de taxi. Désolé, fisto. Lucas, ça va aller. Tu vas arriver seul. Pas de taco, compris? Tu vas mettre le pognon dans le bateau. Et le coffret? Regardez ce coffret de Georges Sand, aujourd'hui à l'Hôtel des Arts et bientôt au Musée de la vie romantique. Hier, vol mystérieux à l'Hôtel des Arts, le coffret de Georges Sand a disparu lors d'un cocktail. Alors, Madame Breton, Nadia, qu'est-ce que vous faites au Musée de la vie romantique? Je travaille sur Georges Sand, justement. Le coffret Marseille, Italie. Mais dis donc, mon petit, on dirait le réseau Sud. Ah non, c'est nous, la police. Nadia a contacté le réseau pour acheter. Et le coffret? Tu vas trouver des instructions. Ah bon? إذن نادية ستضع النقود في القارب وستتبع التعليمات وستحضر العلبة. D'accord. J'ai compris. Bon. Moi, je serai dans la voiture de Nadia et le commandant Darier sera sur un bateau dans la même calanque. Jeanne سيختبئ في سيارة نادية وسيراقب شرطي آخر الموقف من أحد القوارب القريبة. Pardon. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Rien. Étienne, Anne, Lucas, vous êtes tous dans une camionnette blindée. Ne rien faire? N'entendir au fissaire est un chahin, est un sahira? Non, je ne suis pas d'accord. Lucas, il le faut. On aura un contact radio avec Nadia. C'est tout pour les instructions? Et le coffret? Tu vas trouver des instructions. Ah bon? Écoute, t'as une belle gueule. S'il n'y a pas d'embrouille, tu la gardes. Sinon, ben ça serait dommage. Hein? C'est quoi une belle gueule? C'est un beau visage. Et embrouille. Des problèmes. Écoute, t'as une belle gueule. S'il n'y a pas d'embrouille, tu la gardes. Sinon, ben ça serait dommage. إذن قالها بوضوح. إذا لعبت نادية اللعبة كما يجب ستحافظ على سابيل جول وجهها الجميل وإلا وأثناء ذلك سأكون جالسا دون فعل أي شيء في سيارة شحن صغيرة مع تواصل لاسلكي بالصوت فقط. لا أفضل أن تدهسني دراجة نارية مرة أخرى على أن أفعل ذلك.